من يذكر لنا القاعدة التي أخذناها في آخر الدرس المتعلق بهذا الكتاب قواعد المثلى qui peut nous rappeler la règle que nous avons vue dans le dernier cours de قواعد المثلى. عندك يا موسى أسماء الله كلها حسنى. Les noms d'Allah, tous autant qu'ils sont, ils sont parfaits. Ma ma'na al-husna? Ma ma'na husna? Qu'est-ce que tu veux dire par le fait qu'ils ont atteint la perfection? La naqsa fiha bi wajhin min al-wujuh. Quoi? كمال في صفاته بالغة في الحسن غايته طيب كلها جيد طيب لكن من أي ناحية هي يعني هي كاملة وحسنة de quel point de vue on dit que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits. Ah, Ismail. Ism tafdil. Fait qawlihi ta'ala wa lillahi l'asma'u l'husna. Na'am. Mais encore. Ah, Harun. Min ayy nahiya. Comment, en fait, on dit qu'ils sont, les noms d'Allah azza wa jalla, on dit qu'ils sont parfaits. Pourquoi on dit que les noms d'Allah ils sont parfaits? Pourquoi on dit que les noms d'Allah ils sont parfaits? On m'a donné la définition de parfait, c'est-à-dire qu'ils ont atteint l'apogée de la perfection. Ok? Taïb? Ah, bon, rien. C'est Allah qui se les a attribués lui-même. De un, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se les a attribués lui-même. Tamam? Qui se les a affiliés à lui-même. Étant parfait. S'il s'attribue des attributs, alors ces attributs ne peuvent qu'être parfaits. Taïb, ok, d'aller. Parce que de chaque nom, on découle un attribut. Aïe, هذا الذي أريد. أن في جميع الأسماء لماذا يعني نقول أن الأسماء حسنة لأنها متضمنة لصفة كاملة صفة الكمال. Pourquoi on dit qu'ils sont parfaits les noms d'Allah? Parce qu'en fait, ils recèlent en leur sein des attributs. Et ces attributs-là, ils ont tous atteint l'apogée de la perfection. Tamam? Donc on a vu la semaine dernière que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le vivant. Le vivant. Ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Et de son nom, de ce nom-là, on tire l'attribut de quoi, Khalid? L'attribut de la vie. Ça y est. Et est-ce que les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont propres à lui-même? C'est-à-dire, ils ne peuvent être employés et utilisés que pour lui. Là, Ahsant. Qad yusaf ou qad yusamma ba'd al-makhluqat bi ba'd asma'illah wa qad yusaf bi ba'd sifatih. Lakin ma huwa al-farq? On peut attribuer des noms d'Allah Azza wa Jal à certaines de ses créatures. Tout comme on peut attribuer certains des attributs d'Allah Azza wa Jal à certaines de ses créatures. Comme Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le prophète alayhi salatu wa sallam dans le Coran, « Innaka Rahim, il l'a appelé par ce nom. Rahim. Pareil pour les attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs. Et certains de ces attributs se retrouvent aussi présents chez la créature. Comme en l'occurrence, le vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vivant. Donc son attribut, c'est la vie. Et aussi, cet attribut-là, il se retrouve chez les créatures. Les créatures aussi, elles sont vivantes. Donc c'est quoi la différence entre la vie d'Allah Azza wa Jal et la vie de la créature? Ah, bref. Là, il y a une vie parfaite, alors que ces créatures, elles souhaitent qu'on malade, elles meurent. Non. De vivre, elles ne vivent pas. Ah, ahsant, lillahi darruk. C'est que la vie d'Allah Azza wa Jal, elle est parfaite de tout point de vue. De tout point de vue. Tandis que celle des créatures, elle est précédée du néant. C'est-à-dire que avant qu'ils soient créatures, ils étaient néants. Taïb. Quand ils sont en état de vie, ils sont proies ou sujets à bon nombre de malheurs, ou bon nombre de torts ou de défauts. La fatigue, la maladie, la pauvreté ou autre. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, durant toute sa vie qui n'a jamais de fin et qui n'a jamais de début, il n'a jamais la moindre diminution ou la moindre déficience. Et aussi les créatures, elles ont une fin. Leur vie a une fin. Leur vie a une fin. Et une disparition. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fin. Sa vie n'a pas de fin. Non. Donc on reprend les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. Alayhi rahmatullah. طيب مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة نعم ولا يلحقها الزوال زوال. Donc en sujet du nom d'Allah Azza wa Jal, le vivant, c'est un de ces noms qui sous-entend l'attribut de la vie parfaite, qui n'est précédé du néant et qui ne rencontrera jamais de fin. Al-haya al-mustalzima li kamali as-sifat min al-ilm wal-qudrati wal-sam'i wal-basari wa ghayriha. Et c'est une vie qui implique d'autres attributs. C'est une vie qui implique d'autres attributs. Ça veut dire que toi, quand tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la vie parfaite. Tamam. Tu affirmes en même temps qu'il a d'autres attributs. Juste parce que tu as affirmé le sifa, l'attribut de la vie, cela implique que tu affirmes à Allah Azza wa Jal d'autres attributs comme la science, la capacité, l'ouïe et la vue. Donc on disait que l'attribut de la vie, lorsqu'on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vivant et que parmi ses attributs il y a la vie et que la vie d'Allah est parfaite, cela implique qu'on affirme en même temps, cela sous-entend et implique qu'on affirme en même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que parmi ces attributs-là, il y a l'attribut de la science, de la capacité et de l'ouïe, ainsi que de la vue, ou autre encore parmi les attributs qui sont en lien avec la vie parfaite. Si nous on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mène ou il a la vie parfaite qui n'est jamais touchée par un quelconque tort ou une quelconque déficience, alors cela sous-entend et implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a d'autres attributs, d'autres attributs qui sont en lien avec cette vie parfaite. Tamam. Ça, c'est les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. Il a dit le Cheikh Saïd, هنا, قال وهذا ايضا مما يستلزمه كمال حياته اذا كان كمال حياه الله سبحانه وتعالى التي دل عليه اسمه الحي كماله باعتبار انها لم تسبق بعدم ولم يلحقها زوال ولا يعتريها نقص فهي ايضا مستلزمه لصفه اخرى تدل على كماله سبحانه وتعالى في اتصافه بصفة الحياة. Donc là, Cheikh Saïd, il résume que lorsque on affirme à Allah Azza wa Jal qu'il a la vie parfaite, cela sous-entend obligatoirement qu'on doit affirmer qu'il connaît tout. Parce que ça fait partie de la vie parfaite que de tout connaître. Ça fait partie de la vie parfaite que d'avoir la capacité sur toute chose. Ça fait partie de la vie parfaite que d'entendre tout ce qui se passe. Ça fait partie de la vie parfaite que de voir toute chose. Tamam. Donc lorsque nous on affirme le sifa, l'attribut de la vie, comprenez bien, Yahya, que ça sous-entend aussi qu'on affirme d'autres attributs. Tamam. فكونه سبحانه وتعالى حي هذا يستلزم أن يكون عليما وأن يكون قديرا وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا لأن صفات الحياة من لوازمها الاتصاف بهذه الصفات وهذه الصفات التي استلزمتها صفة الحياة لله سبحانه وتعالى هي أيضا اتصاف الله أو اتصف الله سبحانه وتعالى بها على وجه الكمال. Et pareil, lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui affirme l'attribut de la vie et que cela implique d'autres attributs, ces autres attributs qu'implique notre connaissance de la vie parfaite d'Allah Azza wa Jal, ces autres attributs aussi, pareil, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Tamam. C'est compris ça, Yahya? طيب. قال لأن المخلوق الحي قد تستلزم حياته بعض هذه الصفات فالحي قد يكون سميعا وبصيرا وقد تستلزم حياته العلم وهكذا أيضا القدرة لكن هذه الصفات التي استلزمتها صفة الحياة فيه أيضا يعتريها النقص لأنها سبقت بعدم ويلحقها زوال ويعتريها النقص في أثنائها. Pareil, la créature. Quand tu dis d'une créature qu'elle est vivante, ça sous-entend forcément que si elle est vivante, ça sous-entend sans doute elle voit, que sans doute elle entend, que sans doute elle a une quelconque capacité. Tamam. Cependant, lorsqu'on l'affirme pour une créature, est-ce que ces attributs-là on les affirme d'une manière parfaite? Hein? Non. Parce que c'est une créature et la perfection n'est propre qu'à Allah Azza wa Jal. Taïd? Non. Ça, c'est les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. Yaqulu, mithalun akhar, al-alim, ismun min asma'illahi, متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقها نسيان قال تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Donc là il prend un autre exemple de nom d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit ici du nom Al-Alim, le savant ou le connaisseur. Al-Alim, le savant ou le connaisseur. Ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal qui sous-entendent la science parfaite. la science absolue, qui n'a jamais été précédée d'ignorance et qui ne sera jamais suivie d'oubli. Ça, c'est la science d'Allah Azza wa Jalla, la science parfaite. Et c'est pourquoi Cheikh Al-Uthaymeen a évoqué le verset en guise de dalil, le verset 52 de surat Taha. Il dit, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ilmuha inda Rabbi fi kitabin » La science de ou la connaissance du jour du jugement ou de la venue de l'heure est auprès de mon Seigneur dans un livre. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne s'égare pas et n'oublie jamais. Et n'oublie jamais. Verset 52 de Surat Taha. Naam. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, Al-ilmu al-wasi' al-muhit bi kulli shay'in jumlatan wa tafsilan. Jumlatan wa tafsilan. Yaqul 'inda dhalik Cheikh Sa'id. Donc Cheikh Al-Uthaymeen il dit au sujet de la science d'Allah, c'est la science immense qui cerne toute chose. C'est la science immense qui cerne toute chose d'une manière détaillée ou globale. D'une manière détaillée ou globale. Là, Cheikh Saïd, il nous donne une faïda. Il dit « Wa hadha fihi al-ishara ila rad ala nufati al-qadariya, nufati al-ilm, alladhina yaquluna al-amru unuf. » Ma ma'na al-amru unuf, ya Harun? ظهرت بنفسها وكذلك ها لا عفوا ان الله لا يعلم يعني ايوه لله يدرك ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بحدوث الشيء قبل وقوعه donc là Cheikh Saïd il dit que dans ces paroles de Cheikh Al-Uthaymeen lorsqu'il affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala sa science est immense et qu'elle cerne toute chose d'une manière détaillée comme globale, il y a une forme de réfutation aux paroles de la secte qu'on appelle Qadariya, les roulat al-Qadariya, les savants des Qadariya, les savants de la secte Qadariya, qui eux ont réfuté la science d'Allah. Ils ont réfuté la science d'Allah. Ceux qui disent que l'affaire ou le destin se fait tout seul. Onouf, l'affaire vient comme ça. Il réfute le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaisse l'arrivée d'une chose avant qu'elle arrive. Tamam. Le fait de refuter qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'arrivée d'une chose ou la venue d'une chose avant qu'elle arrive. Ça, Juan, c'est considéré comme mada. Du kofre. Naam, c'est considéré comme de la mécréance. Si un musulman parle de cette parole-là, il se verra sortir de l'islam mubasharatan. Naam, si un musulman parle de cette parole-là, il se verra sortir de l'islam mubasharatan. Hal hadha takfirun mutlaq ou takfirun mu'ayyan? Là, ce que je viens de dire là, si un musulman parle de cette parole-là, il se verra sortir de l'islam. Est-ce que ça c'est... est-ce que là je rends la personne mécréante d'une manière absolue ou madame, je rends une personne précise mécréante? Ah, Kélim. Voilà, c'est général. Mais c'est pas une personne précise. Pour qu'on rende une personne précise mécréante, il y a des conditions. Tamam. Donc c'est pas quelqu'un, il entend ce genre de paroles et il dit tout de suite à Anta, t'es sorti de l'islam. Non, il y a des conditions. Peut-être lui il dit ça par ignorance, peut-être lui il dit ça pour telle et telle raison. Tamam. Naam. Ala kulli hal. Qala Donc, Cheikh Saïd, il dit que ça, c'est une réfutation au Qadariyya. نفات العلم نعم نفات العلم الذين يقولون الأمر أنف وهذا إنكار لإحاطة علم الله سبحانه وتعالى ولصفات العلم الذي اتصف به سبحانه وتعالى الذين يقولون أن الأمر أنف يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه هؤلاء قال وهؤلاء اتفق السلف على تكفيرهم وهم الذين عناهم الإمام أحمد. Donc ces gens-là qui prétendent que Allah ne savait pas la venue d'une chose avant qu'elle vienne. Ceux-là, les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ainsi que les savants qui sont venus à les époques qui ont suivi celle-ci, ils sont tous unanimes sur le fait que celui qui dit ça, il est sorti de l'islam. Celui qui dit ce genre de paroles, il est sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam. Non. Et ce sont eux, c'est-à-dire les gens de cette secte-là, que l'imam Ahmed a visé lorsqu'il dit بِقَوْلَهْ حَاجِجْهُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنْ أَقَرُّوا بِهِ خُسِمُوا وَإِنْ أَنْكَرُوا كَفَرُوا خَاسِمْهُمْ أو حَاجِجْهُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنْ أَقَرُّوا بِهِ خُسِمُوا وَإِنْ أَنْكَرُوا كَفَرُوا. L'imam Ahmed, c'est ces gens-là qu'il vise par sa parole lorsqu'il dit débat avec eux au sujet de la science d'Allah. Tamam? Débat avec eux au sujet de la science d'Allah. S'ils reconnaissent la science d'Allah, alors de surcroît, leur opinion et leur avis sera ébranlé. Tamam? S'ils reconnaissent qu'Allah, il sait tout, il connaît tout, ben, c'est comme s'ils se contredisaient. Donc, ils seront, leur avis, là, il sera ébranlé. Et si ils disent qu'Allah ne connaît pas ou ne savait pas, alors ils seront sortis de l'islam, ils seront mécréants. Ça, c'est la parole de l'imam Ahmed. طيب. ثم قال وبالعلم نعم ثم قال وهذه الطائفة انقرضت خرجت في صدر الأول وقام عليها الصحابة رضوان الله عليهم وأهل العلم من التابعين حتى تلاشى معتقدهم الفاشل. Et ça aussi c'est une faïda que cette secte des Qadariyya, c'est-à-dire là on parle des savants des Qadariyya, parce qu'il y a plusieurs formes de Qadariyya. T'as les savants, roulat, et à ceux qui sont moindres qu'eux. Tamam? En ce qui se concerne cette secte-là des savants, cette secte-là, elle a pris fin. Elle a disparu totalement de la surface de la terre. Wallillah alhamd. Il n'y a plus personne, au jour d'aujourd'hui, qui dit ce genre de paroles. Fuman a'lam. Il n'y a plus personne qui dit ce genre de paroles. Pourquoi? Parce que ces paroles-là, elles sont apparues quand? À l'époque des sahabes. وللصحابة مباشرة ردوها ردودا ردوها ردودا. عندنا حديث عبد الله ابن عمر لما تبرأ منهم. Et pourquoi cette secte a disparu? Tout simplement parce qu'elle est apparue durant la meilleure époque de l'islam. L'une des meilleures époques de l'islam, c'est-à-dire le temps des compagnons. Après la mort du prophète, le temps des compagnons. Et les compagnons, unanimement, ils ont tous réfuté cette secte et ils ont tous mis en garde la communauté contre l'égarement de cette secte. Donc voilà que cette secte a petit à petit s'est disloquée jusqu'à ce qu'elle n'a plus d'existence à l'heure d'aujourd'hui, walillah alhamd. طيب. ثم قال الشيخ سعيد وأيضا فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. مثلا يعلم المسجد لكن لا يعلم ما فيه من التفاصيل من سواري ومن فرش وغير ذلك. Et il y a aussi dans les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen une forme de réfutation aux paroles des philosophes. Certains philosophes de l'époque, ils prétendaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les choses d'une manière globale, mais pas d'une manière détaillée. Sur Saïd, il prend un exemple, il dit, c'est comme s'il sait là, qu'il y a une mosquée, mais il ne sait pas ce qu'il y a comme poteau, il ne sait pas ce qu'il y a comme tapis, il ne sait pas ce qu'il y a comme, comme escalier ou autre. Tamam. Ou comme un autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. Mais il ne sait pas les œuvres que chacun d'entre eux vont faire. Ça, c'est des paroles de Zanadiqa. C'est des paroles de d'apostasie. C'est des paroles d'hypocrite. Et c'est des paroles d'apostasie. طيب قال وهذه من عقائد الزنادقة فقوله هنا رد على نفاة العلم وهم نفاة القدرية وعلى الفلاسفة الذين يقولون علم الله إنما يتعلق بالكليات دون الجزئيات تمام ثم قال donc شيخ العثيمين on revient dans les paroles de شيخ العثيمين يقول سواء طيب علم العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه ها هارون عندك ما معنى هذه الجملة سواء ما يتعلق بأفعاله علم الله الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال خلقه ها تخذي لا بوالي خير سواء ما يتعلق بأفعاله بمعنى كلاسيونس دالله المحيط بكل شيء كسو سوى كونسرنا سي بروبرز أوب ou bien les œuvres de ces créatures. Donc la science d'Allah, elle englobe les œuvres, les faits d'Allah lui-même. Hadahu. Ah Harun. Hadahu. Allez défaire un tenta. Allah alam. الله يدرك يا هارون نسأل الله أن يزيدك علما تواضعا ها من فهم هذه الجملة يا أبا أنس الله أعلم إسماعيل فهمتها la science d'Allah elle embrasse toutes choses mais quand il dit طيب سواء ما يتعلق بأفعاله الضمير يرجع إلى ماذا هذا هو المشكلة que ce soit en ce qui concerne ses œuvres ou les œuvres de ses créatures donc la science d'Allah comme dit Harun الظاهر ها ou bien عندك شيء يا عبد الله الله أعلم ضمير يعني علم لا كيف يرجع إلى العلم سواء ما يتعلق بأفعاله ها أفعال الله نعم يا إخوان سي المسألة من نوادر مسائل العلم سي دي مسائل سي غار كو تو فان انتوند بارلي دون لي ليفر Tu vas en trouver dans certains livres un peu poussés, soit de Shir al-Islam, Tadmouriya ou Ghayr dalik. Tamam. Mais il faut savoir que la science d'Allah Azza wa Jal, elle englobe même ses faits à lui, ses œuvres. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il va faire demain, après-demain, après-après-demain, dans un an, dans deux ans, dans mille ans, dans. Hein? Il sait. Il sait comment Mada il va gérer l'univers jusqu'à la fin de l'univers. Il sait comment il va gérer. Ça veut dire que la science d'Allah Azza wa Jal, ya ikhwan, elle est immense. Et elle englobe même ses œuvres. C'est même. Ça paraît étrange de dire ça un peu. Lakin, c'est une masala ilmiya labud an tamurru biha. فقال عند هذا الفقرة وهذا فيه إشارة إلى مسألة يذكرها أهل العلم في باب العقيدة وهي أن الله سبحانه وتعالى كما أن علمه محيط بمخلوقاته أيضا الله سبحانه وتعالى يعلم أفعاله وعلمه يتعلق بذاته يعني ذات الله بذاته وبأفعاله فالله سبحانه وتعالى كما أنه يعلم علمه محيط بمخلوقاته فهكذا أيضا علمه يتعلق بذاته ويعلم أفعاله ويعلم صفته سبحانه وتعالى فائدة جميلة نعم on revient sur les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen طيب toujours là on est toujours dans la tribu dans quelle tribu là on est là ha rien On parle de quel attribut d'Allah ou de quel nom d'Allah Azza wa Jal? Hein, Abdallah? Les noms d'Allah, ils sont parfaits. Ouais, mais là, c'est quel nom? On est dans quel nom, là? Ah, là, il faut que j'ai l'antiba. Maïk fi. Hein, عندك, Zakaria? C'est quel nom d'Allah Azza wa Jal? Là, on parle de quel nom? العليم ما شاء الله احسنت لله يضرك نعم طيب نحن ما زلنا في العليم قال الشيخ العثيمين وعنده مفاتح قال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين آية عظيمة Donc là, il a évoqué le verset de Sourate Al-An'am, verset 59, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon une traduction approximative que c'est lui qui possède les clés de l'invisible. C'est lui qui possède les clés de l'invisible. Et il n'y a personne qui ne les connaisse en dehors de lui. C'est quoi les clés de l'invisible? C'est quoi les clés de l'invisible? Et il n'y a personne qui connaît ces clés-là en dehors de lui. Les clés de l'invisible, c'est-à-dire les premiers chapitres du monde de l'invisible. كما جاء في الحديث سورة لقمان ما هو اي كما جاء في الحديث نعم حديث عبد الله بن عمر احسنت لله يضركم نعم احسنت وما هي ايضا يا هارون الحديث بطوله ها ها ما زال في باب القدر ما وصلتم الى باب القدر سنتم. طيب ها سورة لقمان إذن نهايته ها وعنده علم الساعة طيب ماذا ولله ماذا ها من يخرجنا لله عنده علم الساعة هكذا لله عنده علم الساعة وينزل الغيث طيب علم الساعة ونزول الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه مفاتيح الغيب ces cinq choses sont les débuts de l'invisible c'est-à-dire Quand est-ce que la venue de l'heure, elle aura lieu? n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut savoir ça. Ce qui est dans la matrice de la femme. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut savoir ça. On peut dire que maintenant, avec la technologie, ils arrivent à voir, avec les échographies, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Mais nous, en fait, ce qu'on veut dire par la connaissance d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait dès le début si ça va être un garçon ou une fille. Il sait dès le début s'il va être grand, petit, s'il va vivre, ou s'il va mourir dans le ventre ou là. Ça, tout ça, c'est... il n'y a qu'Allah qui sait cela. Pareil, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sache de tout un chacun parmi ses créatures ce qu'elles vont faire demain et ce qu'elles vont obtenir demain. Et pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait de toutes ses créatures où elles vont mourir et dans quel endroit elles vont mourir sans que personne ne puisse s'associer à lui dans cette connaissance. Donc là, on revient sur le verset. « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْ » Il sait ce qui se trouve sur terre, ainsi que ce qui se trouve dans la mer. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ Et il n'y a pas une feuille qui tombe, il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ Et il n'y a pas un grain qui se trouve dans les profondeurs de la terre, ni une chose... mûr, voilà. Il n'y a pas un fruit mûr ou un fruit sec sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait mentionné dans un livre précis. Tamam. Wa Cheikh Saïd يقول وهذه الآية وهذه الآية يا إخوان فيها دليل على عظمة علم الله سبحانه وتعالى وعلى إحاطته وعلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وسعة علمه لأنه قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مع سعة الدنيا وما فيها من أشجار من الأشجار والأوراق Allah subhanahu wa ta'ala, donc Cheikh Saïd dit, il y a dans ce verset-là une affirmation de l'attribut de la science, l'attribut parfait que possède Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire l'attribut de la science, et qu'il connaît tout. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas une chose sur terre ou sur mer, ou dans les mers, dans les différentes mers, sans qu'il ne la connaisse. Et il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans... qu'il ne le sache. Et ça, avec l'immensité de cette dunya. Cette dunya, elle est immense. Ce bas monde-là, c'est vaste. Chaque arbre, ou chaque feuille qui tombe d'un arbre ou d'un buisson, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Naam. Wa qala, wa la habbatin fi dhulumati al-ard. Habba, saghira, rubbama la yantabihu laha al-insan bi'aynih. يكون في ظلمة من ظلمات الأرض في قعر البحر وفوقها ظلمة البحر وفوقها السحاب وفوقها أيضا ظلمة المطر إلى غير ذلك ومع هذا رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمها فهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى وكمال علمه Et pareil, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du grain, un grain qui se trouve à l'intérieur de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Pareil, ce qui se trouve dans la mer. Déjà, la mer, c'est des ténèbres. Les profondeurs de la mer, c'est ténèbres. Hein, il y a un endroit dans la mer qu'on appelle les abysses. Tamam. Et là, même l'homme, même l'être humain, il peut pas y accéder. Et c'est un endroit qui n'est jamais touché par la lumière du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui s'y passe. Il sait tout ce qui s'y trouve. Subhanallah. Et c'est un endroit... En fait, la mer, t'es déjà dans des ténèbres. Mais au-dessus de ça, de nuit, t'es encore plus dans des ténèbres. Mais encore au-dessus de ça, en temps de pluie, t'es encore plus dans des ténèbres. Tamam. Enfin, dans toutes ces situations-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui se passe. Dans toutes ces situations-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui se passe. طيب وهنا قال الشيخ سعيد وهنا الغرض من ذكر الأدلة ذكر on a pas terminé d'évoquer les preuves le... طيب parmi les versets aussi qu'il a cité Cheikh Al-Uthaymeen قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Et il n'y a pas une créature qui marche sur terre sans qu'Allah ne connaisse son gîte et ne sache où est son refuge et vers où sera son retour. Toute chose, tout cela est écrit dans un livre précis. قَالَ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, donc le verset précédemment cité, c'est le verset 6 de Sourate Hud. Et là, on cite le verset de Sourate Taghabun, verset 4. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Allah, certes, est le savant de ce que recèlent les cœurs, les poitrines. Combien de temps? Taïb, on va terminer. Taïb. Wamisalo. قال لكن هنا الغرض من ذكر الأدلة ذكر المثال والمخلوق على خلاف ذلك. Donc là, en fait, Cheikh Al-Uthaymeen, quand il a évoqué ces Adilla, il les a évoqués pour montrer la puissance et la grandeur de la science d'Allah Azza wa Jalla. Et aussi pour prouver que la science que possède la créature, c'est contraire à la science d'Allah Azza wa Jal. Ou c'est incomparable avec la science d'Allah Azza wa Jal. قال فعلمه مسبوق بجهل. Donc la science du serviteur, la science que possède l'être humain, est précédée d'ignorance. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah vous a sorti du ventre de vos mères sans que vous ne connaissiez quoi que ce soit. Tamam. ثم يلحقه زوال وفناء. Et aussi la science de la créature, elle sera suivie de disparition. Elle sera suivie de disparition. لأن الإنسان إذا كبر ربما ضعف ونسي وخلط. Car l'être humain, lorsqu'il prend de l'âge et qu'il atteint la vieillesse, sa science s'affaiblit. Et le voilà que il peut même mélanger les choses et oublier. Naam. Allah alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Allah vous a créé de faiblesse. Et ensuite, il vous a accordé de la force. Puis, il vous ramènera à l'état de faiblesse et de vieillesse. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا كَذَلِكَ. نعم. وَهَذَا هُوَ عِلْمُ الْمَخْلُوقِ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ لَكِنَّهَا عَلَى وَجْهِ النَّقْصِ لا على وجه الكمال. Donc ça, c'est la science du serviteur. La science du serviteur, elle est sujet et proie à bon nombre de déficiences. Tamam. Tandis que la science d'Allah Azza wa Jal est parfaite. قال ومثال ثالث. Ensuite, sur l'Uthaymeen, il dit, il parle d'un troisième exemple, c'est-à-dire dans les noms. Donc le premier exemple, c'était le Hayy. Le deuxième, c'est l'Ali. Et le troisième, c'est Ar-Rahman. اسم من اسماء الله متضمن للرحمة الكاملة. Ça fait partie l'ism al-Rahman, ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal qui sous-entendent un attribut parfait qui est l'attribut de la miséricorde. Oui, on va s'arrêter sur une question, il y a un point. Ar-Rahma. Sifa, min sifatillah. La Rahma, c'est un des attributs d'Allah, Azza wa Jal. Alaysa kadhalik? Bala. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ou plutôt, on va le dire autrement. Indak ya Harun. Al-yom yomuk. Hal qad naqulu anna ar-Rahma. أن هناك رحمة خلقها الله وأضافها لنفسه. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une miséricorde qu'Allah s'est attribuée et qui est créée? طبعا les صفات d'Allah عز وجل ils sont créés ou pas? Brian. Hein? Allah أعلم. Ah, on n'accepte pas trop cette parole-là, lakin la basse. Allahu a'lam, sah, sah. Lakin nuhib an ta'lam, anta. Ah. Ah, Aziz. Les sifats d'Allah, Azza wa Jal. Elles sont pas créées. Parce que quand on parle des attributs d'Allah, Azza wa Jal, c'est comme si on parlait d'Allah, Azza wa Jal. Tamam? Donc, comme Allah, on dit qu'il n'est pas créé, ses attributs, tous ses attributs, l'ilm, la parole, la parole d'Allah Azzawajal, comme le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azzawajal. Est-ce qu'on dit que le Coran, il est créé? Là. Par contre, ce livre qu'on a dans les mains, cette couverture ou quoi, ça, c'est créé. Mais ces paroles-là, les paroles qui s'y trouvent, non, elles ne sont pas créées. Fahimtoum? Tous les attributs d'Allah Azzawajal, ils suivent son être. Si son être, il est parfait, ses attributs, ils sont parfaits. Si son être, il n'est pas créé, ses attributs, ils ne sont pas créés. Lakin pour la rahma. Ha Harun. Allahu a'lam ahsant. Ahsant lillahi dharruk. Wa hadha min al-fiqh. An la tasta'jil. Rubbama al-wahid yasta'jil. Yaqul al-rahma ghayr makhluqa. Al-rahma ghayr makhluqa. Thumma na'ti lahu bihadith. Ma huwa al-hadith? An Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa. أن الله سبحانه وتعالى خلق كم؟ مئة. مئة رحمة. مئة رحمة واحدة للدنيا والتسعة والتسعين ليوم القيامة. الله سبحانه وتعالى il a créé sans miséricorde. Il a créé sans miséricorde. تمام؟ il a créé sans miséricorde, ça c'est un hadith sahih, il a créé sans miséricorde, 99 sont gardés auprès de lui pour exceptionnellement le jour de la résurrection, et il n'y en a qu'une seule qu'il a fait descendre pour cet univers. Tamam? Donc Inch'Allah, ce sera le dars de la semaine prochaine. Bi'inillahi azza wa jal. Tayyib, jazakallahu khairan ya Harun. Ah, c'est à qui le diable?